Hier également, dans la section entrevue de DanRazioSport.com, on a parlé avec Serge Aymon. Serge Aymon qui a pris sa retraite du journal Le Quotidien après une belle carrière de 45 ans. Je lui ai demandé hier, ça a été quoi son plus gros scoop? Et selon Serge Aymon, c'est lorsqu'il avait appris que les propriétaires des Saguenay étaient en train de vendre le club pour le déménager à l'extérieur. Et Serge Aymon l'avait sorti dans Le Quotidien. Suite à ça, les propriétaires avaient fait un pas de recul et c'est une grande fierté pour Serge Aymon. Plus gros, ouais, peut-être. Le scoop qui a eu la plus grosse conséquence, c'est le jour où j'ai appris que les propriétaires des Saguenayens étaient en train de vendre l'équipe pour la déménager à l'extérieur. Tu parles de Mathieu Benoît, tu parles de l'époque de... Non, je ne te parle pas des joueurs, je te parle okay. de l'équipe. Ah oui, c'est déjà arrivé ça, je ne sais pas, c'est en quelle année, c'est arrivé, ça remonte à quand ça? Ça fait longtemps, ça fait plus de 25 ans. Okay. Les propriétaires de l'équipe avaient entamé des discussions pour vendre l'équipe, puis l'équipe s'en allait. Ah oui? Ok, je savais pas ce soir-là. Moi, je l'ai su, je l'ai sorti, ça a tout brisé les plans, puis finalement, l'équipe est restée à Chicoutimi. Fait que ça, c'est... Ça fait combien de temps? Oh, je me souviens même pas, ça fait tellement longtemps. Ok. Ça fait tellement longtemps, je vais pas brosser ça. En plus, là, tu me demandes ça de même, je sais pas. Je me souviens pas. Ça, c'est après cette famille ici, ça? Ah, c'était, mon Seigneur, je dirais avant. Ah oui? Avant Stéphane. Selon moi, c'était avant Stéphane Richer. Ça fait vraiment un bon bout. Ben, ça doit faire au début d'existence, ok? Ah, ça doit faire à peu près 25 ans. Mais ça, c'est une nouvelle dont je suis content parce qu'elle a aidé, elle a contribué à ce que l'équipe soit toujours ici. Donc, écoutez, c'est que l'entrevue de DanRazioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Serge Aymon du journal Le Quotidien. On a également parlé avec Richard Lahaye qui veut emmener une équipe de l'Empire League Baseball là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et également, vu que c'est Pascal Masson qui réagit à l'élimination des entraîneurs adjoints chez les Alouettes de Montréal. Le sport local et régional à DanRazioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.